Ah. Voilà, c'est tout, hein, je pense. C'est la fin de ta liste. Une liste quand même, peut-être pas exhaustive, mais remplie de variétés, de différents styles de jeux. On voit que tu as des connaissances larges en jeux vidéo. J'aime ça. Bref, merci, Fred. Et merci à toi, Mathieu. Matière noire. Et puis, nous, aux deux semaines au Mathieu Plante Show pour la chronique d'un autre gamer, un autre gamer, un autre. Cette édition spéciale du Mathieu Plante Show continuera après la pause. Simon qui est avec nous pour sa chronique jeux vidéo rétro. Et cette semaine, on parle de jeux qui ont marqué ton enfance, petit gamin. Ben écoute, je vais commencer, je vais y aller en ordre un peu chronologique de console par la Nintendo NES. Je te vois avec ton chandail en plus avec la manette. Oui, je me demande des fois si je l'ai déjà porté un mercredi avec toi. Probablement, je pense que je suis redondant. Le mercredi, j'ai envie de mettre des t-shirts geeks, je sais pas pourquoi. Écoute, j'avais un seul jeu quand j'étais jeune sur la NES. T'as quel âge? J'ai 25 ans. Ok, ouais, t'étais sur la fin pas mal la NES, là. C'était déjà passé au Super Nintendo. D'ailleurs, elle avait déjà de la difficulté à lire le jeu en question quand j'étais jeune. C'était Super Mario Bros. Ah bon, wow, ok, dis-moi en plus sur Mario Bros. Eh bien, je suis affreux aux jeux de plateforme. Ben voyons. À commencer par Mario Bros. C'est ma génération qui est bonne aux jeux de plateforme. La tienne, je pense que c'était autre chose. Et tu peux en parler à Samuel Girard et Rock Généreux. D'ailleurs, on a fait des courses. Ouais. Je suis vraiment mauvais. Mais c'est pas grave, j'ai du plaisir quand même à y jouer. Oui. Et j'aime ça faire le premier tableau, mourir par la suite et recommencer le premier tableau. C'est quoi ton power-up préféré dans Mario 1? Le Flower Power. Ah ouais? Oui. Ah ouais? Oh. Moi, je dirais que je préfère l'étoile. Elle dure pas longtemps, mais est efficace, on dit. Oui. Le Starman. Je ne serais pas sur lancer des boules de feu parce que j'aime pas la trajectoire des boules de feu dans Mario 1. Tu sais, ils font des zigzags. Bon, bon, bon, bon, bon, bon. Je trouve que c'est pas assez précis. Plus récemment, c'est cool, les fleurs. Ouais. En tout cas, je sais pas pourquoi on parle de ça, mais ça me divertit. Mais je vais passer rapidement, c'est quand même un classique. Passons à la Super Nintendo. J'en ai jamais eu quand j'étais jeune. Ben, voyons donc. Mais ma cousine, par exemple, elle avait une avec le super jeu de Mario Paint. Avec la souris. Oui. Et j'avais du plaisir quand j'allais chez eux à, tu sais, le jeu avec les mouches, là. Oui, taper des mouches avec des vraies mouches. Oui. Mais est-ce que t'aimais ça plus que composer de la musique? J'ai pas beaucoup composé de musique, mais sinon j'avais du fun simplement à faire du dessin. Ouais, ben ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, j'étais jeune et naïf dans le temps. C'est... Dans le temps. Dans le temps. Dans le temps. C'est dans mon temps. Du haut de mes 25 ans. C'est ça. Voilà. Je vais passer rapidement pour le Super Nintendo, puisque j'en avais pas. J'ai joué par la suite au classique, Donkey Kong Country. J'ai encore mauvais parce que les platformers, ça me connaît pas. Mais bon. C'est pas grave, je te pardonne, tu sais. T'as d'autres qualités. J'ai d'autres qualités. Mais toi, t'as commencé ta vie a commencé au Nintendo 64, c'est quoi? Je suis né en 92, donc le Nintendo 64 t'es pas encore sorti, ça c'est en 96. Ouais, mais là, t'as pas sorti. T'as pas commencé à jouer à Super Nintendo à ta naissance en 92, jusqu'à 96? Non. T'as pas joué jusqu'à l'âge de 4 ans au Super Nintendo? Non, par contre, j'ai rapidement joué au Sega Genesis. Ah oui, avec 3 boutons à la place de 4. Oui. A, B, C. Ouh. Puis, Samuel Girard serait d'accord, c'est probablement une des consoles qui est le plus sous-évaluée. C'est sûr. Dans les consoles rétro, il y avait plusieurs bons titres, dont les Power Rangers. Mm. J'ai beaucoup joué aux Power Rangers quand j'étais jeune. D'ailleurs, j'avais jusqu'à récemment le record en speedrun. Ah, le fan, attends. Ben oui, fallait que je le plug. Mais je l'ai perdu, puis de toute façon, là... T'es pas intéressé à le reprendre? Oui, mais ça va prendre beaucoup de travail. Ouais. Mais on dirait, je sais pas si c'est... qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est parce que ces gars, fait plus de console maintenant, que vu que Nintendo est encore là, la flamme reste allumée. On dirait qu'il y a plus de fans de Nintendo que de fans de Sega côté console, pas nécessairement jeu. Mais il y a eu moins de mascottes aussi du côté de Sega. Il y avait Sonic qui était très fort. D'ailleurs, Sonic the Hedgehog 2, c'est un des jeux que j'ai le plus joué quand j'étais jeune. Mais après Sonic, c'était les titres du Super Nintendo qui revenaient aussi sur Sega Genesis, Mortal Kombat, etc. Je cherche et j'en trouve pas. Ben c'est ça. Ouais. Pourtant, il y a eu des bons titres. D'ailleurs, je voulais t'en parler. De Vectorman. Est-ce que tu connais ce jeu? Vectorman, non. Vectorman. C'est une espèce de robot humanoïde, mais qui est formé comme de points verts. OK. Et les graphiques sont quand même assez surprenants pour la console, même en 16 bits. Puis... Encore le mot bit. encore le mot bit, mais fallait que je le plug. Fois aujourd'hui, ouais. Puis c'est un jeu assez amusant dans lequel c'est un shooter, dans le fond, platformer encore, mais qui est vraiment amusant. Comment ça fait que t'es bon à ce jeu-là? C'est un jeu de plateforme. Il y a des exceptions. J'ai jamais dit que j'étais bon. Ah, ok. Mais j'avais beaucoup de plaisir. Il y a une différence, effectivement. Sinon, autre platformer, ben le Roi Lion. C'est drôle, tous les jeux que tu choisis sont des jeux de plateforme que t'aimes pas le style. C'est pas que j'aime pas le style. Je suis mauvais, c'est tout. Faut que j'arrête de. Oui, t'as raison. Mais il y a des beat'em all comme Power Rangers que j'aimais bien ou Streets of Rage. Ok. Dans laquelle t'avais un spécial qui appelait une voiture de police qui arrivait de nulle part et qui tirait un missile qui détruisait tous les ennemis dans la place. Voilà. C'était très plaisant. Sinon, X-Men, Clone Wars 2. Okay. Un jeu un peu étrange. Tu choisissais pas ton personnage au début. Ok. C'était au hasard? Tu allumais ta console et tu commençais le premier niveau avec un personnage au hasard. Bonne idée. Si tu voulais faire le premier niveau avec un personnage particulier, ben tu resetais. Wow! Mais tu changeais de personnage de fil en aiguille à travers le jeu ou tu restais tout le temps avec le même? Après le premier niveau, tu pouvais choisir ton personnage à chaque niveau. Ah, c'est original ça. C'est original. Ouais. Mais le jeu quand même commence un peu... si t'as pas pesé à rien, puis le jeu va commencer. Wow! Ça s'est jamais refait. En tout cas, j'ai pas vu ça ailleurs. Ben, j'en ai pas vu d'autres en tout cas comme ça. Cool. Sinon, Golden Axe aussi, qui est un peu un classique de Sega Genesis, dans lequel tu pouvais incarner trois classes de guerriers puis avancer. Avec de la magie, puis c'est un autre beat'em all en fait. Avec des niveaux. J'ai bien aimé. Cool. Passons maintenant rapidement à la Nintendo 64. Ouais. T'avais 4 ans, là tu trippais à 4 ans. Écoute, j'ai vécu un traumatisme avec Super Mario 64. Ok. Ma mère, en fait, on avait loué un Nintendo 64 dans le temps qu'on pouvait encore louer des consoles. Je faisais ça moi aussi. Puis ma mère avait joué avec ma grand-mère à Super Mario 64. Ok. Et il y avait un Womp dans un des premiers niveaux. Womp, le gros morceau de ciment, de béton qui tombe sur la tête. Et ma mère s'approchait du Womp et savait pas comment le contourner. En le contournant. Ben voilà. Ouais. Sauf que chaque fois qu'il s'écrasait, ma grand-mère criait. Ah! Et moi, j'étais à côté et j'ai eu peur de ma grand-mère qui crie. Fait que maintenant, t'évitais ta grand-mère. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais sinon, écoute, je vais passer rapidement à la Nintendo 64 parce que j'ai joué à beaucoup de jeux, mais c'était tous des classiques. Ouais. En passant à Mario Party, à Conker Bad Fur Day, qui n'était pas recommandé pour les jeunes. Non. Mais bon, ça, c'est une autre histoire encore une fois. C'est la faute de tes parents et de ta grand-mère, sûrement. Aussi de ma gardienne parce que à l'école primaire, j'allais dîner chez une gardienne et le soir, j'allais faire mes devoirs chez elle. Et on se dépêchait évidemment à manger ou à faire nos devoirs pour avoir le temps de jouer au 64 avant de retourner chez mes parents parce que chez nous, j'en avais pas de 64. C'est rendu ta femme, hein, ta gardienne, c'est ça? Non. Tu passais beaucoup de temps avec, je trouve. Ouais. Mais sinon, Pokémon Stadium, Zelda Ocarina of Time, évidemment. Des jeux qui m'ont beaucoup plu durant mon enfance. Ouais. Sinon, passons côté de console portative avec le Game Boy. J'ai eu mon premier Game Boy Color à Noël avec ton Game Boy Color? Le premier que j'ai eu, c'était le Indigo. Oh! Original? Mauve? Non, le genre de... Indigo, c'est pas un mauve? Le genre de bleu-vert, là. Ah, oh, ouais. Pas clair, là. C'est pas mon genre de couleur. Mais après un bout de temps, je sais pas pourquoi il marchait plus trop, fait que j'ai été le changer pour... Le mauve transparent. Oh, cool. Moi, j'ai eu le jaune banane. Oh, ouais. Avec le spécial un peu Pikachu. Ouais, non, c'était Donkey Kong, je pense. Les deux. Un jaune plus serein pour Pokémon, puis un jaune plus banane pour Donkey Kong, il me semble. Peut-être. Je sais pas. Peu importe. Mais je me rappelle, il me semble, c'est dans ma tête, là. Un jaune banane. Et j'ai commencé ma génération de Pokémon. Ben, en fait, mon premier jeu de Pokémon, ça n'a pas été la première génération. J'ai commencé avec Pokémon Argent. Ça, c'est la génération numéro 2. Deux, ok. Que j'ai vraiment adoré. Par la suite, j'ai eu Pokémon Rouge, qui était la première génération. D'ailleurs, qui était sorti pas sur Game Boy Color, mais sur Game Boy Original. Mm-hmm. Quand même ironique que Pokémon Rouge soit sorti sur un Game Boy qui est pas Color. Ouais, mais tu sais. Mais bon, évidemment, Pokémon, ça m'a marqué et ça me marque toujours aujourd'hui. J'en parlerai un peu plus tard. Sinon, dans les autres jeux de Game Boy que j'ai eu, que j'ai beaucoup joué, c'est Harry Potter et la Chambre des Secrets. Ah oui? Samuel Girard en a glissé un mot l'autre fois en parlant que les RPG d'Harry Potter sont bien. Ben ça, c'en est un bon exemple. Contrairement aux jeux atroces de Deathly Hallows qui sont sortis sur console plus récentes. Ouais. Donc même sur console portable, c'est un bon jeu. Oui, tout à fait. Et ben. Passons maintenant du côté du PlayStation. Une autre console que j'ai particulièrement joué étant plus jeune... Il y a des classiques encore sur PlayStation comme Metal Gear Solid, où j'ai beaucoup regardé mon père, et mon père a aussi joué à Dino Crisis. Un autre jeu qui m'a traumatisé, notamment par une cutscene dans le jeu dans lequel tu rentres dans un bureau, à l'intérieur, qui est au deuxième étage, mais il y a comme une espèce de grand atrium à côté de ce bureau-là, qui donne sur... Ben, en fait, le bureau a une baie vitrée qui donne sur cet atrium, et tu marches tranquillement dans ce bureau, et une tête de T-Rex décide de passer. Ah, plaisant. Oui. Ta grand-mère t'es plus là. Ma grand-mère t'es plus là, mais ouais. Mon père a lancé la manette à cet endroit. Sur ta grand-mère. Il l'a tué. Donc, ce jeu m'a marqué pour ça. Sinon, pour les jeux auxquels j'ai joué beaucoup, Twisted Metal, jeu de voiture dans lequel t'as des armes et tu détruis les autres voitures. Sinon, Jersey Devil, un jeu un peu moins connu, dans lequel il y a une légende au New Jersey, dans lequel il y aurait le diable, le Jersey Devil. On dirait un film de Ben Affleck, ça, Jersey Devil, non? Ouais, un peu. Dans lequel t'incarnes une espèce de chauve-souris diable et que tu dois ramasser des boîtes de nitro et aller battre le méchant Dr. Narf. Dans le fond, c'est Dr. Frank à l'envers. Hey boy! Ouais, ouais. Ce méchant Dr. Narf a pris le contrôle de la ville avec ses légumes génétiquement modifiés. C'est basé sur un fait vécu, je pense. Non, je crois pas. Mais le jeu est assez bien. Les graphiques, les caméras, en fait, c'est un 3D platformer encore. Puis il y a encore des problèmes. Mais c'est assez comique. C'est un jeu un peu cartoon. Avec plusieurs cutscenes. C'est assez bien. Ouais. Encore dans le beat'em all, ben, en fait, le jeu de combat, on parle de Tekken 3. Okay. Un jeu que j'ai beaucoup joué. Avec différents personnages. C'est pas celui-là qui a différentes poitrines aussi, non? C'est pas celui-là. Hein? Ça, c'est plus Dead or Alive. Dead or Alive, j'ai mélangé le temps. Ouais. Mais quand même, Tekken n'est pas négligé dans ce, dans ce domaine. Ouh, négligé. Sinon, Tomba. Tomba. Tomba avec un point d'exclamation. Ah. Faut dire Tomba. Ok, Tomba. Tomba. jeu dans lequel t'incarne un petit personnage aux cheveux roses, une espèce de gamin un peu sauvage. Et tu dois aller vaincre les vilains cochons. Les vilains cochons. Dans un monde un peu étrange dans lequel t'escalades et un autre plateformeur, pourquoi pas. Ben oui. C'est les seuls jeux que t'aimes, on dirait. Mais non, il y en a plusieurs. Trois quarts de ce que tu dis, c'est des jeux de plateforme. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, assume-toi. C'est vrai. Je suis pas bon dans les jeux que j'aime. Mais ça te permet de jouer plus longtemps. Mais bon, je parle de surtout des jeux rétro, les jeux récents. Je joue beaucoup à des shooters et à d'autres jeux. Dans lequel je me débrouille quand même assez bien. Ouais. Mais restons dans le rétro. Sinon, plutôt côté RPG, ben Digimon World 2, okay. Que j'ai eu à ma fête, dans lequel tu rentres dans un tank et tu te promènes dans des labyrinthes dans lesquels il y a des Digimon que tu dois combattre. Digimon, c'est comme des Pokémon numériques. Genre. Ouais, genre. Dans lequel Digital tu dois digivolver. Digivolve. On a rien dit. Bit évolvant, voilà. Bit évolvant. Wow, titre de l'épisode. Oui, voilà. Et je t'avais promis des chevaux, Mathieu. Oui, des chevaux. Tu sais que je suis un grand frère et que j'ai une petite sœur. Ah oui. Non, je savais pas en fait. Tu me dis ça comme ben, si je savais. Je te l'apprends. Merci de me l'apprendre. Et il y a sorti un jeu de Barbie au PlayStation. Barbie Race and Ride. Dans lequel tu te promènes à dos de cheval. Et tu peux le soigner, le laver. Il y a des casse-têtes là-dedans. Puis, tu peux y faire les ongles au cheval aussi, je pense. Ah, à peu près. Tu peux y donner la queue. Tu peux y donner du sucre, des carottes. Ah ouais. Un jeu passionnant. Waouh, ça auquel doit, hein? J'ai beaucoup joué avec ma sœur. Parce qu'elle voulait jouer avec moi. Et le seul jeu qu'elle voulait jouer, c'était Barbie. Ah, et ta gardienne n'était plus disponible. Ben voilà. C'est ça. Sinon, dernière chose dans les vieux jeux. Passons du côté du PC. Ouh! Avec les jeux de boîte de céréales. Ah, sur CD-ROM. Sur CD-ROM. Ben oui, ou disquette, peut-être, non, pas à ton époque. Non, plus CD-ROM. Ouais. Mais entre autres, tous les jeux. Les jeux de société qui ont refait. Des Monopoly. Monopoly, Clou, Destin qui ont fait. Ouais. J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer avec ça, puis on pouvait jouer à plusieurs en plus. Ouais. Donc, c'est des petits jeux courts ou ben t'avais quand même pas mal de temps à passer dessus? Ben, des petits jeux courts surtout, là. Ouais. Mais bon. Wow. Ça manque, ça. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Il faut que tu commandes par la poste avec un coupon de 3 boîtes de céréales pour avoir une cuillère. C'est comme moyen. Ou des coupons rabais pour un cinéma qu'on n'a pas ici. Non, c'est ça, exactement. Puis là, la boîte de céréales, te coûte 8$. Puis c'est wow. Ridicule. Ouais. C'est tout pour ce premier segment. Est-ce que tu es en train de me dire qu'on va transitionner vers parler de Pokémon Uranium? Oui, exactement. Wow. Ah, tu sais qu'il y a beaucoup de romans qui se font dans les jeux, des jeux rétro. Dans le fond, on leur donne une seconde vie en le transformant. Par exemple, avec Super Mario 64, ben là, il y a eu Kaizo ou Mario Chaos, dans lequel le jeu est complètement refait, ou c'est le même jeu mais avec un niveau de difficulté extrême. Pareil pour le Super Mario ou Super Nintendo avec les Mario Kaizo, ou tous ceux sont faits sur émulateur avec par exemple Buried Treasure, un jeu qu'un de nos amis a beaucoup joué. Dans le fond, c'est sur la même engine que Super Mario World, mais là tu es un trésorier un peu à la Indiana Jones. Ah ouais. Et là tu as un système de vie, dans le fond, t'as 3 cœurs, donc tu peux encaisser des dommages. C'est vraiment cool. Ben là, je te conseille d'aller voir ça. Malade, comment ça s'appelle? Buried Treasure. Buried Treasure. Ben, je vais aller voir ça, ouais. Dans lequel tu dois aller récolter comme la clé égyptienne, puis y a un boss à la fin. Vraiment incroyable. Wow. Mais moi, je voulais te parler de Pokémon Uranium. Oui, j'essaie de pas être déconcentré par les vidéos de Buried Treasure. Dans lesquels c'est basé sur la troisième génération, donc celle de Ruby, Saphir, Emerald. Dont on entend la trame sonore derrière, voilà. Évidemment. Mais dans un décor tout autre, évidemment, Uranium, ben, on passe à l'ère du nucléaire. Ben oui. D'ailleurs, c'est un des nouveaux types qui a été ajouté dans ce jeu, qu'on rencontre un peu plus loin dans le jeu. Un type un peu étrange, dans lequel à peu près tous les types sont faibles. Contre, mais en fait, c'est compliqué. Là. Ouais. L'uranium, dans le fond, les éléments nucléaires sont plus forts que les autres. C'est genre, ben en fait, pratiquement tous les types sont faibles contre uranium. Ok. Mais sont, mais en fait, contre nucléaire. Et nucléaire n'est pas nécessairement faible contre les autres. Ok. Oh là là. Donc il faut que tu t'ajustes. C'est mêlant. Ouais, oui. C'est ça. Mais j'ai eu la joie de partager un début de partie avec Rock Généreux et Samuel Girard. On a de fait matière une course, noire, oui. Mardi soir, dimanche soir à 19h pour l'été. Oui. Voilà. Et on a fait une course qu'on n'a pas terminée. Parce qu'on a live? Joué, oui. Sur Twitch? Sur Twitch. Mm-hmm. On a joué environ 4h30. Ils sont rendus déjà beaucoup plus loin que moi parce que j'aime ça me promener puis perdre mon temps dans ce jeu-là. Est-ce que t'es mauvais à ce jeu-là, par hasard? Je suis pas mauvais, je connais beaucoup de choses. Ah, okay. Mais j'aime ça prendre mon temps. Ouais, ben c'est ça, explorer. Explorer. Puis, il y a beaucoup de nouveaux Pokémon dans ce jeu. Ils ont repris en fait 34 Pokémon des jeux qu'on connaît. Okay. Mais ils ont aussi inventé beaucoup de Pokémon. Ah, c'est une bonne idée. Sur la même logique, c'est les mêmes attaques puis tout ça, mais beaucoup de plaisir à avoir. Le jeu est vraiment bien, je vous le conseille. Ils ont créé des nouvelles, ils ont dessiné des personnages. Ils n'ont pas juste pris des parties d'autres puis les matchés. Non, en effet. Ah, cool. Puis beaucoup de type match-up qu'on n'a pas nécessairement l'habitude. C'est vraiment bien. Oui, ben. Pokémon Uranium. C'est un jeu que vous pouvez aller télécharger. En fait, c'est une application. C'est pas vraiment un jeu qu'on joue sur un émulateur. Okay. C'est vraiment une application que tu installes sur l'ordinateur. Puis tu peux avoir plusieurs saves. Tu peux même échanger avec toi-même si tu le désires. Okay. Tu joues avec ta manette USB? On est censé pouvoir. On n'a pas réussi à l'installer, malheureusement. Pas avec le clavier. Mais on joue avec le clavier. Oh, oh. Non, ça, j'aime pas ça. Ah, non, non. C'est pas pour moi, ça. Toi, c'est des jeux de plateforme. Moi, c'est jouer avec un clavier. Ça marche pas. Ah. Ouais. C'est pas mal tout. Hey, merci. Ben, ça fait plaisir. On a parlé de, entre autres, Super Mario Buried Treasure. Hein? Mm-hmm. On a parlé de Pokémon Uranium. On a parlé des jeux de ta jeunesse. Mm-hmm. On te retrouve dans 2 semaines, Frédéric Simon, pour une autre chronique sur les jeux vidéo. Hein? Oui. Rétro souvent, pas mal toujours. Pas mal toujours. Des fois, ça peut être la Switch aussi. Est-ce que tu as joué à ta Switch? Pas encore. Yeah, boy. Ben, en fait, oui, c'est pas vrai. J'ai joué à Super Mario... pas à Super Mario, à Mario Kart 8 Deluxe. Ah oui, oui, oui. Je oui, me oui. suis procuré. C'est beau. Hein? C'est beau. Oui. Pas grand chose de plus, mais non, bon. Non, c'est ça. Si t'as fait le tour, tu sais ce que c'est. Bon. Ouais. Ta belle TV HD va servir à quelque chose. C'est hein? ça. C'est ça. Hey, merci, Frédéric. Merci à toi. On écoute cette chanson de Pokémon Ruby, Sapphire, Emerald. Et on vient. Thank you.

chronique d'un autre gamer à un autre. Salut Frédéric. Salut Mathieu. Officiellement. Officiellement. Hein? Maintenant, ce ne sera plus des petits commentaires et des blagues, là. Hein? Ça va être sérieux. Passons aux choses sérieuses, c'est-à-dire voilà. Les jeux vidéo. Les jeux vidéo, on parle de gaming. Tu vas nous présenter plein de top 5. En fait, il y a un top 7, deux top 5 et un espèce de top 25 dans lesquels... aucune constance. J'ai aucune constance. Je vais y aller avec un premier. Raison de préférer le rétro au néo-gaming. Ah, j'aime ça, ben oui. Je vais y aller en position numéro 5. L'effet nostalgie. Ouais. C'est à ne pas négliger, donc... On connaît tous Mario, on connaît pas tous les nouveaux jeux qui sortent et ils vont probablement tomber dans l'oubli aussi. Ouais, il y en a qui valent pas vraiment la peine, il y en a qui sont des cash grabs juste pour des franchises de films ou d'émissions pour enfants. Il y a beaucoup de, comment dire, de shovelware. Des petits trucs là, qui vont passer inaperçus qu'on se rappellera pas dans 6 mois. Beaucoup de jeux qu'on va faire une fois et il va rester sur la tablette pour le restant de ses jours. La plupart, je pense. Beaucoup, beaucoup de jeux. Sinon, position numéro 4. L'effet de collection. C'est le fun d'avoir les affaires physiques chez nous. Posséder l'objet, la pochette, le CD, la cassette, peu importe. C'est de plus en plus dispendieux d'entretenir sa collection de jeux rétro. 70, 80, c'est rendu où, là? Ah, ça finit plus. Pas mal ça. mais, c'est le fun d'avoir ça. Autant pour les CD aussi, dans mon cas. C'est un peu trop... C'est trop récent, les CD, je trouve. C'est trop récent? Ouais. Non, PlayStation 1, je trouve ça trop récent. C'est plus récent. Ah, mais je voulais dire en musique, par exemple. Ah, OK, excuse-moi. Mais en CD aussi, PlayStation, c'est quand même récent. J'en ai moins aussi. Récent pour les plus vieux, mettons. Enfin, bref. L'effet de collection, donc, en position numéro 4. En numéro 3, ben, ça fait beau dans un salon. Hey! La décoration, hein? La décoration. Ben oui, pourquoi pas? Parce que... tu peux en avoir plus qu'une vieille console et ça rentre pas toutes des fois dans ta table de chevet ou sur ton meuble de télé. Ils sont pas toutes branchées, mais ça fait de la belle décoration au moins. Ça, exact. Non, j'avoue que si tu veux brancher tout ça, il faut que tu aies une TV avec beaucoup de prises HDMI ou autre. Et puis ça, c'est pas nécessairement le cas pour bien des gens. Ou si avec Nintendo, c'est pratique puisque avec le même fil... vidéo, en fait, tu peux jouer à ton Super Nintendo, à ton GameCube, à ton Nintendo 64. C'est donc, magique. C'est magique. Ouais. Simplement à changer la prise, le power supply. Donc, on passe au numéro 2. J'ai parlé un peu de Mario, c'est l'attachement au personnage. Oui, mais ça, leurs histoires au début étaient un petit peu n'importe quoi, mais depuis quelques temps, ils ont développé une histoire autour qui se tient. C'est ça qui est le fun. On s'attache à eux. Parce que certains jeux aujourd'hui sont faits avec une très bonne histoire. Mais il y a une boucle, ça se termine à l'intérieur même du jeu, puis on l'oublie par la suite. Tandis que, ben, on pense à Link, on pense à Samus, beaucoup de personnages de Nintendo finalement, mais il y a un attachement à ces personnages-là, puis on veut les revoir dans d'autres jeux. Absolument. Numéro 1, raison de préférer le rétro au néo-gaming, les jeux représentent un réel défi. Oui, ben oui, c'est sûr, aujourd'hui, on dirait, je sais pas, c'est trop facile. Parce que même les jeux difficiles du genre Dark Souls, on peut finir par faire le tour. Il y a des jeux sur NES ou Super Nintendo que tu vas passer des heures, des jours à travailler dessus. Et parce que les jeux devaient durer plus longtemps, parce que les parents achetaient ça à leurs enfants, ils pouvaient pas en acheter plusieurs nécessairement par mois, donc tu devais passer tout ton temps sur un jeu, donc il rendait vraiment difficile. Aujourd'hui, ils t'achètent plein de jeux en ligne à une pièce. Et pour rajouter la durée de vie, on achète des DLC qui ne finissent plus. Oui. Puis ça, finalement, on paye encore plus pour moins de choses. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Dans un autre ordre, en fait, dans le même ordre d'idée, notre top 5, raison d'haïr les néo-gamers. Bon. Ils vont faire des ennemis. Oui, c'est. Dans un style humoristique, bien sûr, on s'entend. Numéro 5, on s'emballe beaucoup trop dans les débats inutiles console versus PC. C'est fou, hein. Il y a une quantité de memes et de posts sur Facebook, 9gag. Console versus PC Master Race. Il n'y a pas de gagnant à ça. Il n'y a pas de gagnant. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est juste différent. Mais ça fait taper le monde sur leur clavier. C'est plate, c'est comme Android contre Apple, Google contre Apple, peu importe. J'ai ça, ce débat-là, j'embarque pas là-dedans. Numéro 4. les néo-gamers qui se disent gamers alors qu'ils ne font que jouer à NHL. C'est pas... Ouais, j'avoue, hein, c'est du casual gaming pas mal. C'est beaucoup de casual gaming. Ouais. Certains, tu peux avoir beaucoup de talent à NHL et mm-hmm. tout ça, mais dans ma tête, c'est pas ça, un vrai gamer. Tout à fait d'accord. Numéro 3, les néo-gamers se vantent constamment de leurs skills. Ils ont des achievements partout. Beaucoup d'achievements. Mm-hmm. Mais on leur passe une manette de Super Nintendo, ils savent pas quoi faire avec. Numéro 2. Ils pensent jouer en 1080p sur une télé 4K, mais leur console ne fait que du 720p. ouais. Et est-ce que ta Switch, tu trouves que c'est assez, les 900 quelque chose p? Ben oui, oui, tout à fait. Ouais. On remarque pas la différence rendu là. Non, de toute façon, c'est pas... On s'en vient au numéro 1. Se vendre d'avoir des plus beaux graphiques. Ah. Voir que c'est ça l'important, voyons donc. Et le jeu l'important. Et voilà. Et ouais. Mais, c'est genre. Maintenant, top 7. Top 7, top okay. 7. Raisons qui me font décrocher des first person shooters en ligne. Ah, j'ai jamais accroché à ça, fait que je vais savoir pourquoi. Donc, en numéro 1, je vais y aller un peu de... Alors, de 1 à 7, les noobtubers, par exemple, à Call of Duty, ceux mm-hmm. qui utilisent le lance-grenade à profusion... et qui se vantent par la suite de leurs nombreux talents à faire tirer n'importe où et accumuler des kills. En numéro 2, les hackers. Parce que oui, il y en a encore et de sur plusieurs consoles, que ce soit ben en fait que ce soit sur console ou sur PC par exemple à Counter-Strike avec les aimbots, etc. En numéro 3, les campers, ceux qui restent dans leur coin à attendre que quelqu'un passe dans un cadre de porte pour tirer et... Joue donc! C'est des lâches, voyons donc, c'est quoi ton plaisir, il est où là-dedans? Hein? En numéro 4, les jeunes qui gueulent dans le micro. Oui, et qui disent des mots pas gentils. C'est ça, ouais. Mais tu sais, mon petit garçon, t'as 12 ans, tu joues à un jeu mature, qu'est-ce que tu fais là? Tes parents sont où? Voilà, c'était en numéro 4. Numéro 5, ceux dont les micros font un bruit achalant puis qui ne le ferment pas ou qui font jouer de la musique dans leur micro. Sérieux. On essaie d'avoir du plaisir, s'il vraiment, vous plaît. Mettez des écouteurs. En numéro 6, le lag. Parce que il y en a toujours dans les jeux en ligne, mais parfois, ça fait des choses étranges, inexplicables. On est en 2017, je peux pas comprendre qu'il y ait encore du lag sur Internet. Sérieux. Ça, on s'embarquera pas dans les débats de connexions et de... Ça, c'est autant sur console que sur PC. Oui. Il y a pas de meilleur là-dedans. Ouh, les deux sont sur le même Internet. Oui. Internet qu'on paye trop cher, mais justement, ça, c'est un autre débat. Et en numéro 7... Ceux qui utilisent toutes ces raisons pour expliquer leur performance atroce. Et c'est-à-dire moi-même. Ouais. Sauf des jeux de plateforme, on se rappelle que t'es pas super bon, fait que mais c'est à cause du lag. Ça. Non, ça c'est moi qui est juste vraiment mauvais. Mais je l'avoue. Voilà. Ouais, assume-toi. Maintenant, on va y aller sur un site un peu étrange. Mais c'est 25 bonnes raisons en fait de dater un gamer. Ah bon! Enfin, il y a des raisons. Il va falloir mettre ça sur notre profil. Genre, voici les 25 raisons, mesdames, pour lesquelles vous devriez nous écrire. Bon, on va y aller dans l'ordre, tout simplement. Donc, en numéro 1, on a tu vas savoir où les trouver, c'est-à-dire devant leur écran. Ouais, effectivement. Ça va peut-être sympa. Pas faire un couple qui va durer, mais quand même. Non. En numéro 2, ils veulent gagner. Ça, je suis un peu moins sûr. Je sais pas. Je joue pas nécessairement pour gagner. Non. Je joue pour avoir du plaisir. Mais ils veulent, en tout cas, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent, bon, hein. En numéro 3, ils vont se battre pour toi. Ouais, c'est vrai. Faut avoir un bon objectif. Ils justifient cette raison-là parce que généralement, les gamers veulent avoir un certain challenge et vont vouloir défendre par la suite. Mais bon. L'honneur. Numéro 4, ça, je trouve ça intéressant. Ça reste des cœurs d'enfants. Ah, c'est vrai, ben oui. Sauf ceux qui jouent des jeux de Deuxième Guerre mondiale, juste ça. Là. Peut-être. C'est moins enfantin, mais bon. Mais il y en a qui le font à 12 ans anyway. C'est ça, en criant des mots qu'on devrait pas dire. Le but, c'est d'avoir du fun. C'est ça. Numéro 5, ils sont habitués à travailler pour leur succès. Pour avoir leur achievement. Pour avoir leur achievement. First base, second base, third base. Numéro 6, ce ne sont pas... ils disent quitters. Ils n'abandonnent pas. C'est ça, ben oui. Avant d'avoir réussi à atteindre le sacré Graal, ben oui. Mais, ou simplement réussir un niveau dans un jeu. Pour deux semaines pour s'accueillir qui doit gamer. Pourquoi j'ai fait ça? Excuse-moi. J'ai pas pesé sur le bon bouton. Oh. Non, c'est celui-là ici. Voilà. Poursuivons. Numéro 7. Ils sont de savants de la technique. Ouh! Oui, c'est Python. Oui, sur les Python. Ouais. Mais beaucoup de techniques aux jeux vidéo à faire des manipulations qui paraissent simples. Mais on passe la manette et essaie de reproduire ça. Oh, c'est pas aussi facile qu'on le croit. Oh, baba gauche-droite. Numéro 8, ils sont patients. Oui, ben oui. C'est vrai, ça? C'est vrai? Oui. Ah, numéro 9, ils comprennent ton besoin d'espace. Dans le sens où ils justifient, ils ont besoin eux-mêmes de leur espace personnel. Laisse-moi tranquille, m'a te laisser tranquille. Et ils veulent pouvoir jouer à leur jeu solo une fois de temps en temps, mais ils vont aussi te laisser faire tes choses. Donc, pour une relation fusionnelle, c'est bien des fois quand même d'avoir des espaces séparés. Mais aussi du temps ensemble, voilà. J'espère. Sinon, oui, c'est quand même. Quand. Faut savoir jouer en coop une fois de temps en temps. Hey, oh, c'est bien dit ça, two player. Numéro 10. Ils sont habitués au multitasking. Que ce soit juste manger en jouant ou toutes sortes de raisons finalement. Numéro 11. Ils sont dits plus intelligents. Bah, je suis surpris, non? T'es surpris? Je sais pas. Parce qu'il me semble que tu t'éteins le cerveau quand tu joues. Ah, quoique, il y a des trucs de puzzle intéressants. Il y a beaucoup de trucs de puzzle et d'aptitude à développer la logique, en fait, dans les jeux vidéo. Mais ils généralisent pas mal. Oui, c'est certains la grosse généralisation. Parce que tirer sur du monde, on s'entend qu'il y a plus intelligent, je suis pas sûr. C'est sûr, mais c'est un top 25 à la genre Shortland. C'est ça. Donc... on n'a pas les mêmes Shortland. Non, c'est sûr. Mais en tout cas, on comprend le principe. Oui. Numéro 12. Ils savent comment travailler avec leurs mains. Je savais que ça allait venir éventuellement. Ben, il faut quand même. Hein? Ouais. Passons rapidement. Ouais. Numéro 13. La maintenance est basse. Oui. Ils n'ont pas besoin de grand-chose. Non. Un Nintendo avec un bon jeu qu'on peut jouer ensemble. Mantel voilà. Blue Cheetos. En deux Cheetos. C'est ça. C'est parfait. Une chronique en deux Cheetos. Oh wow, c'est beau ça. Une chronique de triche aussi, genre des cheat codes, mais des Cheetos. Cheetos, Cheetos codes. Ils peuvent faire plus avec ce qu'ils ont. Ce sont des personnes avec beaucoup de ressources. Oui, je comprends, ils sont débrouillards. Débrouillards. Ils peuvent utiliser pas grand chose. Donc, on vient juste de dire qu'il n'y a pas besoin de grand-chose. Il utilise pas grand-chose-là pour faire quelque chose de gros. Voilà. Bon. Ça se dit, ça? Ça se dit. Vas-y. On le fait. Ben oui. Next. Numéro 15. Ils savent appeler les coups. Dans le sens où ils savent quoi faire et bien organiser leurs choses. OK. C'est comme quand ils jouent au billard. Ben, t'as envoyé ça dans le trou. Voilà. Là, au centre. Ils savent calculer. Dans le milieu, au centre. Ouais. Calculer les angles. Numéro 16, ils ont un bon sens de l'humour, semble-t-il. Oui, apparemment. Apparemment? Apparemment. Ben, en tout cas, je crois que c'est notre cas. Je pense que oui. Des fois, on fait des mauvais gags comme s'ils étaient traduits du japonais. Momofuku. Numéro 17, ils sont prudents en amour. Parce qu'ils veulent pas perdre la personne. Ils disent que c'est... En fait, c'est safe de garder un copain, copine, gamer... Parce qu'ils veulent faire attention à leurs choses. C'est ça que je voulais dire, comme un collectionneur voudrait que ça reste mint. Mm-hmm. Ils prennent leur point de sauvegarde en plein milieu, encore une fois. Je sais pas. C'est une obsession. Vas-y. Numéro 18. Et on achève. Ils peuvent rester debout toute la nuit. Éveillés. Éveillés. Pas nécessairement complètement présents mentalement, mais éveillés quand même. Éveillés. C'est un début. C'est ça, au moins. Numéro 19, et ça, c'est probablement mon cas, c'est très facile de leur faire des cadeaux. Un jeu, mais en fait, dans mon cas, n'importe quoi de geek. Ben oui. Genre, j'habiterais dans l'ancien rayon de HMV, où il y avait toutes les bébelles de oui. geek. J'habiterais là, moi. C'est une belle place. C'était une belle place. C'était une belle place. on tripe pas sur les vinyles, toi et moi. Fait que le nouveau HMV qui va ouvrir, mais pas HMV. C'est pas pour nous autres. Mais il y a quand même des choses. Ils ont posté une photo d'ailleurs aujourd'hui avec un mur de jeux. Ah ouais, pas vrai? De jeux de société. Ah, de jeux de société. De jeux de société. C'est plus cool, je pense. Parce que jeux vidéo, je pense pas qu'on avait besoin d'une place de plus pour les jeux vidéo. HMV, c'était pas fort. Non. Non. En tout cas. C'est fermé aussi. Bon, ah oui, c'est exactement ça. Numéro 20. Ils font attention aux détails. Oui. Ça prend un bon sens d'observation parfois dans les jeux. Numéro 21, ils vont travailler pour ce qu'ils veulent. Parfois, dans les jeux, il faut récolter beaucoup d'items pour avoir le 100%. Même chose que les orgasmes. Oui, allons au fond des choses. Ah, au fond des choses. Hein? Numéro 22, leurs erreurs les rendent plus forts. Ah, c'est pas pire ça aussi. L'expérience. L'expérience, ben oui. Faut échouer des fois pour pouvoir mieux gagner, hein? Oui. Numéro 23, et ça s'applique beaucoup aux rétro gamers. Ils sont extrêmement loyaux, disons. Absolument, absolument. Loyaux sur loyaux du noyau. Voilà. C'était douteux. Passons 24. Ils aiment explorer. Oui, les raccoins. Parfois inutilement. Mais ça, bon. Faut que tu nous le dises, tu sais, si on n'est pas à bonne place. Hein? C'est ça. Mais il n'y a pas des guides en amour comme il peut en avoir en jeu vidéo, par c'est contre. Ça. En couleur, ça se voit encore, ça. Les guides du joueur. Ah oui. Player's Guide, ouais. Nintendo Power. Eh boy. Et finalement, numéro 25. Ils peuvent vous surprendre socialement. Si tu leur donnes une chance. Si tu leur donnes longtemps, une chance. Longtemps, des fois. D'ailleurs, j'ai vu une personne qui a fait une run à SGDQ faire un post sur Reddit. Summer Games Done Quick. Qui disait c'est pas facile pour une personne qui veut aller assister à cet événement-là qui ne connaît personne puisque il veut aller voir son joueur préféré à son jeu préféré mais tu le connais pas, c'est difficile d'approcher les gens. Tu sens comme Justin Trudeau au G20 qui check dans son sac puis qui sait comme pas trop où aller parce qu'il connaît personne. Ou tu te retrouves face à des réactions comme Angela Merkel devant Poutine qui lève les yeux au ciel. Mais quand on intègre la communauté, finalement, on se rend compte que les gens sont hyper sympathiques et qu'ils ne cherchent qu'à partager leur expérience. Ils veulent parler de ces trucs-là. Ils veulent avoir des gens à qui parler. C'est sûr. Et voilà. Ouais. Top 25. Top 25. Les raisons de sortir ou de dater un gamer. Voilà. Wow, c'était réussi. C'est réussi. Chantelaine, merci Chantelaine. Merci Fred. Merci à toi Mathieu. On te retrouve dans 2 semaines, quoi, Jean. Ouais, oui. Est-ce que ça valait la peine que j'aille chercher une musique de fond comme ça puis que je joue la mauvaise affaire au début? Ah, moi j'ai aimé ça. T'as aimé ça, c'était un bon moment. C'était un moment à prog. C'est ça. Il y a plusieurs fois moi par-dessus. Allons dans 2 semaines, Frédéric Simon, d'un autre gamer à un autre. Merci. Bye bye. Bye bye.